Les chemins de traverse par Clarisse Andre. Soir de spleen, pas de dream pour la maladie Tim, pas de trémolo, je le dis tout. Dès qu'y a-t-il par les mots, je suis totalement chaos. Parti depuis longtemps, les mots. En vain du pied des peurs, du malheur, sans crainte des juges, des censeurs, ô les cœurs. Sur les chemins de traverse, en tous sens, surtout averse, sous le soleil, les averses. Âme moribonde, à l'humeur vagabonde, à l'imagination féconde, où les rêves abondent, j'ai l'âge du monde. Dans les eaux profondes, les secrets hantés je sonde. Au volant d'une antique aronde, dans la plaine morne, où règne, diabolique, reine des veines, au fil des mille bornes, fondent les villes et vaines ondes, vilaine et malsaine fille de la bête à cornes. Aux armes, aux jeux de billes, je préfère mes pauvres rimes. Décime, les idées noires, je décime. Les larmes, je verse et disperse en don ultime. De la peine à la haine, de la sidération à la rébellion, de la déprime à la noire colère, de l'abîme aux hautes sphères, de la folie à la raison, des cris à l'oraison, d'ici à l'horizon, de la paresse à l'action, des frictions à la tendresse, de la passion à la sagesse, mes peurs et douleurs, je déverse, les obstacles, je renverse, l'espérance, en douceur, je caresse. Anéantis la détresse, sur la scène de la vie, obscène tragédie, fol errant, vol au vent, toujours droit devant, à la survie résolue, j'appelle au secours, je cours, je fuis sur les ailes d'un temps révolu, sur les fils décousus de la poésie, fruit défendu du paradis perdu. Clarisse Andre, 11 août 2023.